Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. Ah là là, 2017 approche et on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Alors moi, je vous conseille une chose, c'est de voter pour nous, voter pour notre émission Dansez maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous me direz pourquoi voter pour nous ? Eh bien tout simplement parce que nous, nos promesses, on les tient. On vous promet de passer une heure de bonheur, de plaisir, grâce à toutes ces belles mélodies qu'on va vous faire écouter tout au long de cette émission. Grâce à Christophe, grâce à Arlette et bien sûr grâce à vous qui écoutez cette émission. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Sorgia. On va se réchauffer un petit peu parce que c'est vrai que le temps des fois est un petit peu changeant et des fois on se les gèle un tout petit peu, il faut le dire. Alors cette chanson elle est là, rien que pour ça, pour se réchauffer. Le jour où il fait froid, t'as plusieurs solutions. Le bonnet, les moufles et bien sûr le blouson. Où tu restes chez toi et t'attends le printemps. Où de ta plus belle voix tu chantes ce slogan. Vive le vin chaud, c'est grâce à lui qu'on ne gèle plus les grelots. Vive le vin chaud. Vive le vin chaud, on peut rester toute la nuit s'il le faut. Vive le vin chaud. Si tu sens plus tes doigts, tu vois plus tes bonbons. Si tu reconnais plus ce que t'as dans ton caleçon. Tu peux te dégonfler ou garder la pression et chanter ce refrain dans toute la station. Vive le vin chaud, c'est grâce à lui qu'on ne gèle plus les grelots. Vive le vin chaud. Vive le vin chaud, on peut rester toute la nuit s'il le faut. Vive le vin chaud, vive le vin chaud, vive le vin chaud, c'est grâce à lui qu'on ne gèle plus les grelots. Vive le vin chaud. Vive le vin chaud, on peut rester toute la nuit s'il le faut. Vive le vin chaud L'accordéon, c'est un petit peu disco, un peu techno parfois même. Alors, en attendant Christophe qui lui va nous parler de l'accordéon un peu plus traditionnel, voici le Top Vitesse. À l'accordéon, Bernard Marly, rien que pour vous. Bonjour Hubert et bonjour, bonjour Arlette, bonjour à vous fidèles auditeurs. Et bien oui, cette semaine, encore de l'accordéon, non pas un accordéoniste mais cinq accordéonistes. Je suis en compagnie de Corentin, bonjour Corentin. Bonjour. Extrait et bien de l'album qui s'appelle Le Quintet Plus du Musette. On écoute Olivier Martel qui va vous jouer Le Petit Oiseau Musette. Composition de Michel Pruvot, on écoute. On reconnaît bien la patte Maurice Larchange dans toutes les orchestrations. On poursuit avec une nouvelle accordéoniste. Cette fois-ci, Isabelle Vardès va vous jouer une très belle valse composée par Maurice Larchange qui s'appelle Les prodiges de l'accordéon. Thank you. Force à cavalière. Oh bah je t'en prie Corentin, quand même un peu de tenue. Alors on continue avec cette fois-ci Patrice Jounier qui va vous interpréter un tango dont les paroles étaient écrites par Pascal Sevran. Ce morceau s'appelle Corentin. Je ne suis rien sans vous. Oui oui c'est tellement vrai. Place au tango, je ne suis rien sans vous. Sorgia FM. Cette rubrique pourrait s'intituler « Un jour, un artiste ». Elle se prénomme Arlette, c'est elle qui nous présente cette rubrique, spécialisée dans les chanteurs et les chanteuses, tout simplement. Hello, bonjour à tous, bonjour Hubert. Bonjour Arlette, je crois que cette semaine on parle d'une grande, grande chanteuse. En effet Hubert, c'est une très grande dame qui est à l'honneur aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Dalida. Ah, merveilleux. Issue d'une famille italienne installée en Égypte, oui. Elle est élue Miss Égypte en 1954. Et dis donc. Née en 1933 au Caire, Dalida est une chanteuse et comédienne oui. italienne. naturalisée française. Ah, c'est compliqué. Ayant chanté et joué en italien, en français, en arabe, en hébreu, en anglais, en espagnol, en allemand, en grec. Bof. Ah, rien que ça. Mais c'est en français qu'elle chante pour nous aujourd'hui. Ah. Come prima. Mm. Nous sommes en 1958. Dalida. Come prima. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi. Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme prima, tu me donnes tant de joie. La notte, come allora, magica scende. La luna splende, e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire. Solo così, come prima, più di prima t'amerò, per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Come prima tu me donnes tant d'amour que j'espère te le rendre quand te reste dans tes bras. Come prima tu me donnes, come prima tant de joie. Dalida est l'artiste française la plus récompensée du show business et demeure une icône mondiale de la chanson. Elle a également reçu le prix de l'Académie du disque français en 1975 pour ce slow magnifique écrit pour elle par Pascal Sevran. Il venait d'avoir 18 ans. Dalida. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les vents d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le pléonasme. Au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent,

cette grande dame n'hésite pas à se remettre en question et à suivre la mode. Sur scène, elle danse accompagnée de sa troupe de danseurs et c'est en surfant sur une vague disco que Dalida interprète en 1979 un de ses plus grands succès, « Laissez-moi danser ». Toto Cutugno a déjà sorti ce morceau pour le public italien sous le titre de « Voglio l'anima ». Dalida s'empare de la seconde place au hit parade et devient, une fois de plus, disque d'or. « Laissez-moi danser ». Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser. Ah, ça fait bouger tout ça. Ça, c'est super, Arlette. Ça me fait vraiment plaisir. Dalida nous quitte en 1987. C'est moins drôle. Mais elle reste dans nos cœurs. Elle a su nous faire vibrer pendant toutes ces années où elle a régné sur le monde du spectacle. Allez, ne soyons pas trop tristes. C'est dur. Si tu nous le permets, Hubert, oui. La semaine prochaine, nous mettrons à l'honneur une autre grande vedette de la chanson. Je n'attends que ça. Eh bien, ce sera avec plaisir. Merveilleux. Au revoir à tous. Au revoir Hubert. Au revoir Arlette, gros bisous. Et puis bien sûr, à la semaine prochaine, même heure, même station. Au revoir. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Et en attendant de retrouver Arlette la semaine prochaine, on va danser sur l'air de cette belle chanson que tout le monde connaît. Ça s'intitule Étoile des neiges. Dans un coin perdu de montagne. savoyards chantaient son amour dans le calme du soir, près de sa bergère au doux regard. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. Hélas, soupirait la bergère, pour nous marier dès le printemps. Étoile des neiges, sèche tes beaux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Alors il partit pour la ville, et ramoneur il se fit sur les cheminées dans la pluie, comme un petit diable noir de suie. Étoile des neiges, sèche tes beaux yeux, le ciel protège ton amoureux. Ne perds pas courage, il te reviendra et tu seras bientôt encore entre ses bras. Et quand les beaux jours refleurirent, il s'en revint au hameau, et sa fiancée l'attendait là-haut, parmi les clochettes du troupeau. Oui, du troupeau. Étoile des neiges, tes garçons d'honneur vont en cortège portant des fleurs par un mariage. Finis mon histoire de la bergère et de son petit savoyard. Dansez en ligne maintenant sur Sorgia FM. Et on va danser les pouces en avant. Et oui, tout simplement. En avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière, et chicken chack, et chicken chack, et chicken chack, et chicken chack, et chicken chack, et chicken chack, et chicken chack, et chicken chack, et chicken chack, et chicken chack, et chicken chack, et chicken chack, les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière, les genoux pliés, les genoux pliés, et chicken chack, et chicken chack, et chicken chack, et chicken chack, et chicken chack. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière, les genoux pliés, les genoux pliés, les pieds rentrés, les pieds rentrés. Et chiki chaki chiki chaki chiki chak ha. Et chiki chaki chiki chaki chiki chak ha. Et chiki chaki chiki chaki chiki chak ha. Et chiki chaki chiki chaki chiki chak ha. Les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière, les genoux pliés, les genoux pliés, les pieds rentrés, les pieds rentrés, la tête en l'air. En l'air, la tête en l'air, les fesses en l'air, les fesses en l'air, et chiki chaki chiki chaki chiki chaki chaki. La tête en l'air, la tête en l'air, les fesses en l'air, les fesses en l'air, les yeux qui louchent, les yeux qui louchent. Chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Et chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Et chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Et chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière, les genoux pliés, les genoux pliés, les pieds rentrés, les pieds rentrés, la tête en l'air, la tête en l'air, les fesses en l'air, les fesses en l'air, les yeux qui louchent, les yeux qui louchent, un feu sur la langue, un feu sur la langue. Et chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Et chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Et chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Et chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Et chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Et chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Et chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Et chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Dansez maintenant sur Sorgia FM. Hubert Ledon. Et avant de retrouver la suite de la rubrique de Christophe Pesset, j'ai le plaisir de vous interpréter une composition que j'ai faite avec Michel Ganino et Bernard Marly. Ça s'appelle La Robe Blanche. Une fille en robe blanche est assise sous les branches. C'était juste avant la libération, au son de l'accordéon. Elle s'appelait Catherine, et la suite on l'imagine. Le rendez-vous sous le grand cerisier avec son beau fiancé. La guinguette abandonnée, les jolis dimanches sous le cerisier. Une musique soudain s'invite dans le noir de ma cité. J'ai le mal de vivre, je rêve éveillé. Et dans ce rêve, image brève, les fantômes du passé dansent sous le vieux cerisier. Mais l'histoire nous raconte qu'il fut tué sous les bombes et que Catherine n'a pas pu supporter la vie sans lui à côté. Fuyant les éclats de rire, elle s'est jetée sans rien dire, tout près de la guinguette, dans le torrent, au son du petit vin blanc. La guinguette abandonnée, les jolis dimanches sous le cerisier, une musique soudain s'invite dans le noir de ma cité. J'ai le mal de vivre, je rêve éveillé, et dans ce rêve, image brève, les fantômes du passé dansent sous le vieux cerisier. On dit qu'une robe blanche vient se glisser sous les branches, tout près de la guinguette abandonnée un certain soir de l'été. On dit que dans la brisique venue du périphérique, on entend comme un air d'accordéon des sanglots dans un flonflon. Rêve, image brève, les fantômes du passé dansent sous le vieux cerisier. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Et voilà, deuxième partie de l'accordéon, toujours en compagnie de Corentin. Ça va, Corentin ? Oui. Bon, ça te plaît de faire l'émission comme ça ? Ah oui. Allez, on va entendre Alexandre Lotto. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je crois que c'est Lotto qui va vous jouer un passe-doble. Et ce passe-doble s'appelle... Viva Panama. We'll be right back. Eh bien oui, c'était le passo-double, comme dit Corentin. C'était Alexandre Loton. On va écouter maintenant notre cinquième accordéoniste. Et puis notre dernier morceau, eh bien ça sera les cinq accordéonistes ensemble. Place à l'amour, place au boléro. Ce boléro s'appelle... Au thé dansant, on danse. Oh bah oui, ça c'est bien vrai. Allez, Didier Caz. Eh bien oui, c'est déjà la fin de cette petite rubrique. Alors comme je vous l'avais annoncé, cette fois-ci, eh bien le quintet, c'est-à-dire les cinq accordéonistes ensemble, Olivier Martel, Isabelle Vardès, Didier Caz, Alexandre Loto et Patrice Jounier, pour vous interpréter un morceau de Michel Pruvot qui s'appelle... Les nouveaux conquérants du Musette. Cinq accordéonistes ensemble. Je peux vous dire que la mise en place, c'est pas rien. Bonne semaine, merci et à très bientôt. Au revoir. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Fandango simple et fantasque, pour te danser dans les bras d'un garçon, une fille ne dit jamais non. Tout le pays est en fête, et tout le monde est poète. Chacun ce soir ne songe qu'à l'amour, la montagne flirte avec l'adour. Fandango, fandango, rythme tout des bravos, que répètent les cours de Sarabibao. C'est le chant des oiseaux, c'est le chant du ruisseau, c'est le chant de l'amour, fandango. Maintenant, sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Il est temps malheureusement de se quitter pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment, parce que nous on s'est encore bien amusés, comme chaque semaine d'ailleurs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir tout simplement d'écouter des belles chansons, des belles musiques, des chansons que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. On essaye toujours de vous dénicher le meilleur de la chanson française et de l'accordéon. Merci pour votre fidélité. On vous dit à la semaine prochaine, même heure, même station. On vous embrasse. Ciao. Sorgia FM.